أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كن إن شاء الله كن نيواتي لي جيم تي والو اجي بي ويسو غيسون نانيو genre introduction ci walu aj gisone nañ aj lañ lay teki ci arab moy lo moy ak djublu waaw mu ne hajja moy qasada moy djubluna le fait que ñuy djublu makka ngir dem fa ngir jaamu fa yalla motax ñu tuddé ko lolu gisone nañ tamit est ce que aj lan moy atem ci l'islam farata la wala luñu sopp la wala lu haram la wala lu dagan la wala lol gisone nañ ne farata la waxon nañ ne li wone ne farata la ci alquran moy li suñu borom wax ne walillahi ala an-nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila mune yalla mo warlo ci kaw nit ñi ñoñ nak moy ñi ko gëm moy julit ñi ñu acc neegam bi muy kaaba ga benn yoon sabilan benn yoon la wax sabilan moy benn yoon benn yoon rek la nek obligation manistata kuko man ilay jëm fu ba tag fofu def lañ ko fa moy am moy pour dem fa sabilan mais benn yoon moy faral bu yokate lolu ay ngeenel le mais du lo xamantene ni farata la kon lol mo nekkon ci alcorane ci hadith gisone nañu tamit ne dañuy wax ponk l'islam yi ma hadithu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne dañe daño fo comme l'islam comme bu done ben tabakh la dafa melni dañe dañ ko fondement yu ci 5 les 5 piliers voilà les 5 piliers bobu nga xamne abdullah ibn umar رضي الله تعالى عنه حديثم لا مومو كو سولو تي يونس بن صلى الله عليه وسلم كوم نيمو نيي تي صحيح الامام البخاري و امام مسلم رحمه الله موي نيكون لول مو دون موي 5 pilier yi yoy acc ci mo nekkon dernier bi lolou day wone ne kon acc farata la waye pour ñu doli ci lenen amna tamit yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam li wone ne acc farata la dafa Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu dafa sahabi la won sahaba moy ku don and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te mu gemon ko te genn adina te mi genn adina dafa and ak ngem yalla bu don ko gemon après tubbi de ci tubbi ko waxuñu ko mais moy don koy gem mo xam da ngayena jota yo mo xam na ngayena bokk ben milieu bu ngeen nek ben pa milieu pa comme ñu ne mu ngi lion mané ma ngi lion dedet ben beurep comme ñu ne fi ni ñun ñoo fi ngay deg mu wax wala mu nek di fofu mo xam gis nga ko gisugo comme selma xay nga xam ne manu ñoo gis mom sahabi la abu hurayra radiyallahu ta'ala mu ne yaronte sallam dane dalena khutba ben bes lol nak hadith bobu imam muslim moko solo mais fele la won makka la won ci aji la won ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dane yeen fele makka la ko waxe won dane yeen nit ni yalla de faratal na ci yeen aj na ngeen aj wala ya ayyuhan nas inna allaha qad farada alaykumul hajj fa hujju yeen nit ni de yalla faratal na ci yeen aj na ngeen aj am ben way bu jog al aqra ibn habis radiyallahu ta'ala anhu benen sahabi bu ci bir mbolo mi bim ko waxe comme ko nit ñi dañu bari mom mu ne yenen dig sallam ndax at mu nek la aqul amin ya rasulullah ndax at mu nek lañ wara aj yenen dig sallam deg nako mais mu mel ku ko degul mu nopi faale wu waji ne wat répété wat lim la jatt nek ndax chaque at ndax at mu nek la mu nopi faalé wu mu waxat ko bamuy ñetti yoon yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ne ko buma ne won waw day nek farata bu nekkon farata du ngeen ko man moy buma len ne won bo ne won ndax at mu nek manela waw manelen waw kon yeen ñepp legi ku di julit rek at mu nek da nga wara dem makka aji da lol xam nga ne manu ko mu ne ta bu ma ne won waw mu deme nonu mu nek farata ci yeen du ngeen ko man kon nak bayi len ma fet ak lima len baye ndax kat li alagon ñi len jitu won moy bari laaj yuñ doon laaj seen yonent ak tamit woute yu bari yuñ doon woute ak ñom lool lay wone ne cela ne veut pas dire que sahabi bi radiyallahu ta'ala nu dafa ñak te gin dede da doon laaj ngir xam moy ne da doon laaj ngir xam mais yalla dalena di jangal yene te gin yo xamne moy tamit jotaay diine wala nek ak borom xam xam bo nek ak mom waro rek lu teub rek nga laaj lu ñew rek nga laaj lu ñew rek nga laaj bu yagge day ñu mais mom melul won ni nga xam na ñom dekoné len taxajuk ci buñ fuñ nekké dañuy laaj mais mom da doon laaj ngir xam mais mu ne ko nak lool da ko doon jangalé pa laaj mo baaxul mais dafa am yenn yo xamné bu comme ko wax nañ len ko mu leer rek japp len ci ta bu len laaja waaw moy ne neena len ngeen aj comme si dama ko neena len ngeen yalla faratal na ci yeen aj len ku nek wu dewon liñ ci deg moy ne ben yon mais bo beugé di laajan mom xeyna miri da leerul won ci mom motax mu don laaj lool kon lool day wone ne kon aj ben yon la nek farata kon lolou gis nañ ci alcorane gis nañ ci hadith yi ci sunna yalla rasul sallallahu alaihi wasallam lol tamit mais djulit ñepp ci d'accord na aj tamit farata la do dem fen ñu nan la no aj mom du farata ah no ku mu neex nga def la de no boko mané ni no ku mu neex nga def aj du farata xam nga lol ken du ko moy borom xam xam yi yep ak même en dehors de borom xam xam yi d'accord nañu ne aj farata la go xamni dañ ko wara def légi nak yi ñu waxone pour balaño dugg ci ponki ak yi nga xamné ay obligation la mu am ay question yo xamné dañ koy poser la tañuy dugg ci yoy moy né xam nga kérok amna yuñ ci énumérer won yuñ ci waxone nonu ay hypothèse yuñ joxone par exemple est-ce que buma bu man na lek khalis aji comme yu mel non mais legui xam nga bo gisse aya bi dane yalla walillahi ala nasi hajjul bayti yalla de mo warlo ci kaw mo tek comme si da tek ci losu nit ni lo xamne obligation la ñu aja neegam bi muy makka zadahallahu sharafa ben yoon mais dane manistata legui tay liñi ñëkke moy né légui man gogou moy lan xam nga né kuko man gogou moy lan ndax lool lu jara laaj la moy buñ mané yeen ñi imaginer ñu ñëw ci ben fekk ay nit yu tok ben mboro mu bari seen patron wala ki leen diité né leen dama bëgg ngeen démal ma Japon ñu nek France kuko man nak ci yeen kuko man ñoo mais ñoñu buñu xello dinañ ni mais kuko man est ce que moy lan lan lay tekki deugintan motax fi dañuy laaj man gogou ñuy wax moy gan man ana lan lool ben la moy man gi mais avant man gi moy ana lan moy condition yi nga xamne mom la ki yalla tek aj wara remplir pour ñu ne ki mom yalla tek nako aj da ko wara def xam nga lolu moy jitu moy condition yi nga xamne ño wara dajalo ci nit ki ngir ñu ne diw mi kat warna mana aji mom moy dafa wara aji pa warna mana mais obligation la ci mom comme que affaire bi aj moy yalla dane ñi ko kuko man ben yoon légi man yan condition yaay remplir lool moy premier bi pour bokku ci ñiko man mais man gogou moy lan après buñu paré fofu mo am benen question moy legui xam nga ne makka man buma dekkul makka te ñepp ci adina bi julli ni lool dekkunu makka jégué wuñu ko est ce que bu may dem makka lool ci bir man gi lay nek ba legui ben ki la moy est ce que man na am satch alalu jambour wala detourna alalu jambour dama ko mak dem aji tok ñibisi wala ñu denk ma ben tontine même boudé tontine yi doxul tontine gaay di nat ñu ma kepp caisse gi dem mak wala ma détourner wala ma satch ma xam wala ma gagner loto voilà euro million né alhamdoulillah légi nak pour sante sama borom mi tax ma gagné limay jëk def dumay jënd bi mak ngir aji di ñew comme que loto dafa haram alal jëng cey joggé jëng cey jëlé baxul est-ce que alal joju bu ci jëlé aji baxna wala baxul lolu ay laaj la yo xamne inshallah tay dinañ fexé gis ko comme ça ko li jëm ci question yo ñu jéxal leen nga xamne bi ni ñew wala bu dé temps bi dess na tout ñu dugg ci ponk bu ñëk bi muy al ihram muy liñ nan armal mais armal comme niñ koy gisé li moy yéene bi rek yéene bi la moy yéene acc ak bu ñëwé ci fofu ci armal ana ban jamono la meuna commencer ne ren kat yene na dem aj ban jamono la est ce que buma nexe ma def ko wer buma nex 5 mois avant aj bi 10 mois avant aj bi 9 mois avant aj bi 2 mois ban est ce que lol man na nek legui lol bu jalle lol lañ nane miqat zamania moy jamono ji nga xamne ci nga wara fas yene ne da ngay aji mu am benen façon buñ nane miqat makani ya nga xamne moy fi nga xamne buma fa accé falay duggu nak ci ki de sacralisation bi moy ne dañ nan la même boudé du farata moy nga changer ci yéré ndax cela ne veut pas dire que wessuna fiñ mané bo fa aggé dama warona changer sama yéré sangu set ki pour sol yéré armal que buma ko wesso rek légui c'est fini man yakuna dédé mais kon légui lolu fan lay commencé li jan ñoy limite yi nga xamné wa pays tel wala wa gox sangam de buñ joggé fofu di ñew makka buñ rombé accès fofu rek daño wara dugg ci ki de sacralisation moy ihram bi yoy yep yi ni ci bir ponk bu ñëkk bi la moyene bi ak ñaata façon aj mo am lolou nañ ko ak yenen ponk yi ci dess inshallah legui kon ni ñi def moy ñu commencer ci est ce que biñu waxone bu ñëk bi moy yam ñoy charte yi nga xamne condition yi nga xamne mom lu nit ki wara remplir ngir ñu ki mom aji da ko war amna buma wonono faté moy est-ce que aj buma remplir les conditions yi est-ce que dama war ma def ko ni mu gina gawé wala man nako yex xam nga lol question la moy né nit man na tok amna bonne santé am alal di war mais est-ce que amna droit jamono bi nga xamné amna lu meuna ajé mune non mais quand même malgré tout ça je vais attendre dans 5 ans est-ce qu'amna droit bi wala dañ nan ko bi nga ko mané ané bobu nga koy def lool ben question la tamit kon ñu ñëkke ci yan ñoy condition yi nit ki wara remplir ñu né kat ki ay le yewon mom day farata la farata biñ né won ku ko ki mat ci mom da wara ki mom da ko mom remplir nako da wara aji loolu juroomi condition la yo xamné mom la nit ki wara remplir ñu ne diiw mi farata la ci mom mu aji bi ci ñëk moy il faut mu nekk julit moy ne chrétien bu aji makka adjam baxul juif bu aji makka tamit adjam baxul até bu né j'ai vu que les musulmans dañuy dem à la Mecque vraiment ça c'est génial moi cette année je vais aller à la Mecque comme tout le monde mu dem xam nga lolou sax man da nek ndax gaay buñ xolé sey keuyit mais nañ imaginer na rek mom ndax tamit man nañu ki vrai que man na fexé ba dem ta duñ man na dem sax ba fof touriste non non non c'est que makka nak fof manu fof fudul ko dul julli du fa dugg dafa am délimitation bo xamné ben yéfer du fa dugg non non ben yéfer ndax yalla mo ne ci alcorane ne mo ne jullit ni yaronte bi sallam jullit ni ne yéfer yi buñu duggati makka da après sen année bobu mu len mu tojon ki yeb moy année bi ci tebbe waaw ndax année bobu mo ron année 8e bi moy bi ubé makka ñu amone ay mu bayyi lon fa tojon na xërem yi mais téwul won ci 9e année bi buñ doon aji da ngay gis ñuy aji comme niñ doon aji bu avant l'islam di ñew ñi di def yaramu neen buñ amul yéré nenañ yéré yo ndax nenañu def yaramu neen de mo gën sol yéré bo xamné alal du lewul da cey nek ñukoy aji di mo tax buñ doon wër kaaba gi bu ko ci amul yaramu neen ngay def yoy après nak l'islam dalen ko téré 9e année bi ne len yoy yépp jeexna après yalla yoni yoni sa alcorane jibril alayhi salam ne len nak légui sax ñom désirément sax ñom à partir de légui bu ben yéfer djégéti al masjid al haram ba'da amihim hada ginnaw sen atmi bu fi kenn djégéti motax dafa am délimitation moy ne même ñi nga xamné ay touriste lañ wallahi touba mi fa ñew bu ñewé dafa am ay ki moy ne mu ngi melni ñu ne fi ñu nek tonkin fi ni yépp quartier bi fi yépp yéwër bu fi dugg moy ne tali yi day am ay contournement bu dé ñi nga xamné duñu julit motax fof c'est bien gardé pour dul julit do fa dugg loolu lo xamné man da ñak moy lo xamné man da ñak nga dugg ñu duggal ko fa ndax lo xamné par exemple intérêt intérêt pour dulit ñi wala ñi nga xamné ño dëkk fof seen intérêt wala sécurité kaaba gi wala yu mel non nga xamné da am problème bu am nit ñi fexé fekk diw rek ci man dara ta mom du julit par exemple ka yo xamné ka extrême ki wa yoy dañ leen di may ngir lolu wa ngir lolu mais ñom duñu fa dugg motax ñom mais imaginer ki nga xamné dafa tout touba bi tout fi xam nga fi papier touba ken du ci bind musulman wala non wa moy bu toubé mais man na dem makka moy ne nañ imaginer ku mel nonou wala ko xamné dal da né mom dal da bëgg ko xamné toubul mais da né na dal dem dugg ci pecc xo bi ba jall mais bu ajé baxu wala mo ne je vais être solidaire avec les musulmans j'ai vu que dañ leen di ki discriminer man ce que je vais faire le pèlerinage comme tout le monde mu dem aj wër kaaba gi sept fois daw safa ak marwa après dem ay arafat minan bok et arafat muzdalifa joge fof minan ki après def yeb après mu def yeb koku adam baxul ndax lan ndax du julit kon moy condition bu ñeuk bi moy il faut waji nek julit ouais ateo animisto ñoo ñep seen aj baxul kon moy première condition il faut nga nek julit deuxième bi moy il faut lolu moy première deuxième bi moy il faut mu am xel nit ki yaaji il faut mu am xel ndax ko amul xel koku adam du bax ndax mom mom il n'est pas responsable pa mom li tax moy dañ ko tegg ndax affaire bi waru ko sax xam nga ku ñak xel par exemple ko xamne dafa ñak xelam moy ab dof julli du jot ñaan ko eh modou wala eh jaga kay julli non mom julli waru ndax ki mom andul ak xelam dafa juddo par exemple juddu nonu la mel ba ki koku kenn du ko ne ay yoyu moy tamit il faut ki nga xamne day aj mu nek ko xamne day am xel biñu tegu moy il faut mu nek majeur ñaar yu ñëkk yi wi ñu ñëkk wax l'islam ak am xel yoyu condition ya lo xamne day tax affaire bu wër moy ñu nangu ne ki de adjam baxna bu deñé moy du bax motax ñu ne le yéfer ak adjam du bax ku amul xel tamit buñ ko yobbo mu gis nit ñi di def muy def lepp ni gaay def ba paré momit lool taxul mom mom lool waru ko sax légui bi ci dess moy 3ème bi moy il faut waji wala ndaw si mu nek ku majeur ko majeur nak est ce moy 18 ans non non du 18 ans 18 ans lolou moy sen ñun suñu dëkk yi ñoñu waaw ñoom mu leen nexé ay 16 ans 18 lolou ñoo xam mais l'islam mom jigen man na am 9 ans nek majeur gorit man na am 14 ans nek majeur moy ne mbiri nekul ci ay 18 ans yoy ni ci lolou boru nasaran yi la ñi mel ni ñoo mak ñu teural yoy mais l'islam xamul yoy kon mo il faut mu majeur mais lolou am solo la moy ne mu majeur cela ne veut pas dire que xalé bu adjé adjam du bax xalé bu adjé adjam baxna mais ki nga xamne moy tuteur mo xam parent wala ki woni mom moy am fay bi xalé gi nak mom mom def na lu bax tamit mo ndax yaronni bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben nas ndaw moy bi mi adj non bi mu adj bi massa adj rek moy bi mu adj adj bu mag gog waaw am ben avec elle kan xalé bi le prophète ban nono bi muy adj la mom le prophète bi moy dernière année waaw mom 63 ans 63 ans wa mom 63 ans le guenna adina ci le guenna adina way wala tax dafa aj quelques ay ki en période bu gatt après mu guenna adina legui am ben femme bu yeugati domam xale bu ndaw neena du sallam ndax ki am naaj munako waw yaw te yaw wala ka aj wala ki ajra te yaw am nga fay gi moy mo adja baxna moy kon goné cela ne veut pas dire que goné la rek mom adjam du bax dede bu majeurul tamit bu adjé ki ko yobbu moy day am adj day am yool mais langou tax ñaan goné gi il faut mu il condition il faut mu majeur moy même bu dé adj na goné gogou 12 fois bu maggé dañ nan ko da ngay adjuk l'islam gi dala war ba légui ndax bang koy def yow nek woko xamné ko responsable nga ci l'islam légi nek nga mag responsable nga légui dang koy def kon lool moy ku majeur kon gis nañ da ngay nek julit am xel majeur né nga nek ko xamné do jam moy ku libre ko xamné ndax moy comme jamono yi jam bi am jam jam comme goné wala ñooñu mom aj waru motax jam bo xamné par exemple dafa nekkon jam bu aji ken du ko ne sa aj baxul waaw mais nak bu amé liberté am dañ nan ko adjal comme goné gi ndax yow teguñu lako won lol kon moy 4ème bi kon gis nañ ñaata 4 da ngay nek julit am xel majeur nek ku libre dernier bi moy il faut luma wax non julit am xel libre nek majeur amna bu dess 5ème bi 5ème bi moy voilà moy dang koy man moy ne il faut nit ki tamit mu man man gi moy lan mom moy def transition ak be deuxième question bi moy lan moy capacité bi ñuy wax ci nit ki lan la moy ne kon il faut kon waji mu nek ko xamantene ni ginnaw yoyu mu nek ko xamne mom man na amna moyen aji mais moyen du affaireu khalis rek legui kon ci lañuy jall ci deuxième moy legui man gi moy lan ginaaw biñu gisee yi nga xamne bu amé ci ngay mëna aje ci lay nekk farata ci nit légui man gogou mom moy lan dañ la la man gi lenn la moy moy ne nit ki ci bopam dafa aju ci nit ki aju tamit ci ay moyens légui bu re ci nit ki moy il faut mu nek ko xamanteni ni febarul febar bu tax du meuna voyager ko xamne par exemple dafa febar dañ ko téré mu yek avion yek transport ndax febaram bi mayuko docteur yu digne de confiance wax ko waxuma docteur bo xamne day xamne musulman nga après nak mu téré la lay la sa ko ken wax légui moy kon boudé dafa febar febar bo xamne day tax par exemple du meuna supporter voyage bi mom lolou koku bokul ci man ndax dafa am ben jigen ci aj bok ba legi dafa ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kenen la bokul ak yoron xale bi mune man kat mune yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sama baye kat mag la mo xamne dafa sori ci ay at maget la farataay aj nak dafa daf ko dab mais mom manula yek ci manula tenir bu nekké ci gellem bi wala yoyu wala ci convoy manuko manu ndax man nako adjal munako waw adjal ko ci benen version bi munako ndax bu amone ndax sa bay bob bu amone bor ding ko fay wala det munako waw munako kon boru yalla mo gina yey ñu fay ko leñu kon moy ne koku lan motax mu teggil koku ndax manuko moy dafa febar pa bob moy ne kon il faut nga baña febar waji baña febar bo xamne day tax du meuna dem mais ay baram be metti mom nga xamne metti bo xamne appuso ko fa jam koku waxuñu lool moy ne kon lool moy benn moy febar bo xamne da la clouer au sol comme ko xamne mom da febar bi da ko japp bo meunatul dara koku waxuñu ko kon lool benn la lool jëm ci yaramu nit ki benen bi mu nek ko xamanteni dakoy man ci côté financier nak moy na am lo xamanteni mom la mana deme yoon bi yep mo koy assurerel yoon bi ak bu deme lam fay nek ak nit bi si ku am lolou moy man ngo legui mu dess wajo xamantene ni nañu ne ah no me xaar len waji ngeen nan mom man na baña am lool moy mais mom guerrier la wo xamne amna doole par exemple pays arab yu jégué arabie saoudi lañ dëkk ñom duñ comme boudé duñ len laaj visa mom neena amna katan même boudé amul xaaliss bu ki mais man na dem ba fofu ba pare aj taru ki dañ nan ko koku bu ko defé baxna ken du ko ne bu ko def moy budé dafa jël lé ki soral bopam ba ki ba dem xam nga yoy yef ndax tamit yonent bi Ibrahim alayhi salam mom yalla bim ko nan wotel ci aj gi da ne ko ya wa adin fin nasi bil hajj yatuka rijala wa ala kulli damirin yatuna min kulli fajjin amiq dane yalla dane ko bim tabaxe kaaba gi mom sun mam ismaeil alayhi assalam yalla dane ko legi wotel aj munako bo wote dina la dikkal ay nit yo xamantene ni ngay wo dina la dikkal bu ñuy ñew ñen ñi dañuy dox rijalan dañuy dox lolu day wane ne kon ku ne mom man nak amna capacité pour dox ba fofu ndax mu nek waju costo ku ki koku ken du ko ne yow mano togal kok manu ko ko wax ndax mom dox bi ci la comme que man nako neena mom ben affaire ben way dafa ñew boko manul taxul ñuy wax moy yow diko kal ci convoi gaay wala ñi nga andal ngir ñu lay dundal lolu ken waxu nala dem dépendre ci nit ñi motax imam ahmad rahimahullah mom imam ahmad xam nga ngay deggu ñu naan ñenti ngir moy ngiru imam abu hanifa ngiru imam malik mom lañu gëna xam senegal ana gëna boone ngiru malik rahimahullah mom ak ngiru imam shafi ak imam ak ngiru hanbali moy 4e bi ki muju ci ñom moy imam ahmad moy mo jité ngir bobu comme ni imam malik jité ngir bi ñu nek ñun ak wa senegal ak ñu bari côté maghreb bi mom dafa am ben way bu ñew ci mom ne ko ya imam imam man de man ne ko man damay aji mais nak duma yobul dara ci convoi gaay rek lay am wakerul ci yalla monako dedet budé da ngay wakerul ci yalla ngox monako wa monako xam nga noy def andal yow rek te bul yobbu dara nga wakerlu ci yalla waji nako ah man manuma lol di monako kon mané outil lo yobale xam nga koku bo mom feñ la moy né bul ñewit top yow né man man na dem mais yow sa ñak li nga bëgg li nga wara soxla ci yoon yépp nga koy basé wu ci ñeneen moy ñom ngay lor di ko ken tagu lo moy kon il faut financièrement nga man lula yobbu ak bo fa nekké la nga fay nek ak ñi bis mais ku def lele moy li ñu waxoon koku baxna légui mu dess ci lolu ko xamantene ni dafa am ay bor nit ko xamne dafa am ay bor koku est ce que meuna dem aji wala deet wala waajo xamantene ni tamit est ce que nit meuna dem makka ba pare bayyi famiyum ñu nekk ci ci ñakalek ñaka naan ki mom mu jël alal gi démé mok makka légui dañu naan buré waaji nga xamantene ni ndax loolu par exemple ñi nga xamné dañu né ndax loolu ci lañuy ñëw après ñi nga xamné dañ né aj dafa war ni mu gina gaawé comme ni nga xamantene ni non la ko maliki rahmatullah alayhi gisé ñom dañu japp né aj mom kumu war ko ku lepp condition yu remplir dang ko wara def ni dina gaaw comme ñoñu ñom dañu japp né boudé yow sa famille biñ fay joggé am nañu luñ japp am nañ luñ japp pa bayyi wolé ñu nekk ci détresse totale lolu mom ñepp d'accord né bu boba do dem alal joju bayyi ko fi mais boudé ñu ngi am na ci luñ japp sauf que dañuy lég lég ñu xawa dañuy deb xawa débrouiller mais quand même dinañ ci génn ñu mel non comme ngir bi da nan la ah ñoo man nga dem ndax tamit bayyi wolén ci alkandé bayyi wolén ci extrême ci nécessité moy né ñu ci génn même boudé deux repas par jour mais deux repas par jour ci un son homme ci am son homme bo lolu kon ñu né ñom lolu graw mais boudé dafa nek ci cas bi nga xamné ñom ñepp d'accord né da ngay bayyi gaay dootu am dara di génn di yalwaani lolu dañ nan la yé togal fi togal jox lén voilà da nga am ci yool kon lolu la légui waaji nga xamné dafa endetté wu mom boudé dafa am alal dum aje moy dafa bari dekk mais peut-être kenn maynako ab alal tay mune tay ma aje bayima ko yoy ñuy maye nonu wol lami par exemple xam nga am lele nga am ñu tok ñu may le billet makati ba waaw lolu est ce que tu vois waaw mune da gam dem quoi mune da dem sa waaw man nga dem mu ngi melni ma tok ça dépend nak ki lay may ndax leg dafa am ben question bu am solo moy est ce que nit man na sacc alal may mako mu jël xam nga lolou moy nit ndax tamit est ce que nit man na détourner alal mu leer na mané ki li may jox dako détourner wa té yow leer na la ma jël légui koku dañu nan affaire bi do ñew rek né baxul baxna wa mok waji gagné euro million wayema ñew dina may moy né dañuy sét waji ki jël non boudé né mom par exemple ilimanu dëkk bi la wala wa jo xamné dafa am autorité ci dëkk bi ko xamné ay waxam dañ koy bayyi xel ci diiné mu nekk ko xamné royu kay la tamu xamné bu jëlé mbir mi dé waji da ci am day tax légui képp ku ko né yow sa euro million bi nga jouer ba gagner dafa haram mu na topal nele imam diw me nga xamne mako ci jox 2 millions mu nang waxul dara yeen xamu ngeen dara nan ngeen di wax budé yi mel non dañ nan imam bul jël ndax waji dang koy mujju diko cautionnel affaire yi ta lolu jappali wante ci lu bon la lay dug te yalla na won bu len jappali wante ci lo xamne dafa voilà mais budé waji ko xamne amul dara la manula def nenen lu man na te alal joju dal lu am koku ta amul melul ni ñu wax sank ab lam dala bu ken faale wul mais mom li da ko soxla ngir dundu mom bu jele waji moy am bakar mom wajele jël alal ju dagat ju haram diko may mom day am bakar de lool mom day am bakar ndax alal di muy joxe momoko mano maye lo mom ndax lo momul manoko maye loolu moy ci gattal affaire bi legui kon moy ne ki nga xamne dafa andete wu mom dañ nan ko boudé gaay yi xam nga waxon nañ bé passé né ay dette bo amalé dette yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dafa bëgg l'islam que bo yoralé nit dette mu may la né la bo bu jappandé ci yow nga am ko nu mu gina gaawé nang ko wafa nek fi nak diko dawlo ta nga am ko ay bakkar yu metti nga yow defé ko lénen wé lu ku mel nonu dañ nan ko yow fayal boru gaay boudé ñom manuñu la muñul ba nga dem aji makk ñewaan ngir fay leen daño soxla seen alal ya leen ko waxon ne buma mané man nga manatuñ la muñul ngeen nga dem da ngay joxe ndax lool tamit loolu lay démé moy dañ na yow da ngay joxe alal di moy da ngay fay say bor bo fayé say bor li ci dess boudé mat na nga dem bu matul yalla téwulako boko ci ñu ko man boudé nak ñoom ñëm né nak ah amul solo man nañ la muñul ba nga dem ba ñew koku man na dem moy né ñun ñoo la lé balon wala man ma la lé balon c'est vrai que waxon na la nga fay ma tel jour bo jappalé na mais man na la may à condition nak mu bañ ko wax ne ko bo ñewé dag ma ci tégal way ndax lool riba lay doon lool dafa bok lool moy riba nasiya moy wa jo xamné dama ko yorel ma ñew ba jour bi mako waxon la koy fay peut-être awma lu mako fayé wala bok num démé dal mu né ma légui c'est bon mais dans une condition do ma fay tay moy ma yokal le 8 jours 1000 euros bi ma nga warona jox nga tek ci 200 euros lolou moy riba deug gog moy riba deugim tan lolou dafa haram même bu ne won nga tek ci 1 centime day haram voilà moy ne 1000 nga leble won li 1000 lañ lay fay legui kon nga ne ma kon man nan lay def waji ñew na tay lañ waxon mu fay ma tay jot mom mune manuma fay ñu ne ben affaire la soit nga muñul ko sa mbokk julil soit nga muñul ko ba man wala boko manul nga yobuko ci juge lol nga man mais alalam mom manoko lekke ci ay ma doli la lol lol lol moy riba bi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam tere di riba nasiya moy dolil ma zidni fil ajal aziduka fil ajal fil ajal dolil ma ci ki bi periode bi dolil mayandi ma ay fan bu ko defé bu ma lay fay ma yokal lol moy riba kon mom bu ko ñu waji ab kiko yorel wala kiko amel ay det ne ko yaw legi baxna jéggal na la man nga dem ba ñew amul solo mo man na dem mais bu dé dafa taxaw ne ko fay ma legi ndax loolu lañ waxon ay leew ndang koy jox xalisam tamit ci droit am la nek ta bu boba yaw l'islam dula top nan la lan motax aji wo ndax dedet ndax dafa am ben affaire il faut nit ñi xam ko moy fay bor dé sax gënë wul ci waaw motax imaginer sa njabot ay fay lepp mais njabot yi lék lék duñu xalaat yoy waaw mi ngi nonu c'est ça et puis nit ki bu ñëw réclamer li nga am ci ñu bëri bo dé il vient même pas dire que tu vas tu l'envoie de gars yi dañ ko warona wax ñom dañ ko warona wax dañ ko wara wax lool ben la loolu motax l'islam di recommander suratul baqara bu ngeen amé det ngeen koy bind bind pa det na deureum ñetti deureum mais det yo xamné dafa ci na ngeen ko bind bind mo gën way c'est vrai ba ken xamul dogal bu yalla kañ lay ñew bu ñew ñu fuyé say affaire gis né wala diw bindon nga né tu le droit 1000 euros au moins deug la da way ndax ouais ndax yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam daron def bi l'islam bi dooro ki nit bu gene adina wa day lacc est ce am nay bor wala det buñ ne am nay bor mune julle len sen new mom du ko julle ndax bor yi bi mu deme nak ba l'islam commencé am doole nga xamne am nañ alal legui mu neleen kep ko xamantene ni dafa gënal adina yoré bor man ma fay fay mu jogi mom modon lu mu yor ni mu fa bayyi la pour ñu fa bayyi héritier mi mais bor yi mom yoonu sallam moy charge wu fay mais dafa am benn bes am ko moy jamono ju ñëk ji am ko genn adina mu lañ ndax am nay bor ñu ne waw mu ne kon julé leen seen neew am benn sahabi abu qatada radiyallahu ta'ala mu ne nabi sallallahu alayhi wasallam julé ko man ma koy fay yaron nabi sallallahu alayhi wasallam julé ko neena sa buma dajé ak mom fuma gisé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mune ma ndax fay nga ko munan ma mune manan ko dedet mané ko fayagumako moy jappandé ko waaw neena ba benn bes ma dajé ak mom mune ma ndax fay nga ko mané ko waaw mune ma légui nak la la yarawam di doora sét moy ni affaire yi lool la moy même ki nga xamné sax dafa dé ci tolu xaré bu déssé ay bor xam nga ko aljana direct la jëm mais bor yoy lay tax du dem gis nga lool na ba ko yorandi sallam waxé dané koku bimu waxé né mom day dem aljana dafa bamou dess boudé dafa am ay bor jibril lama ko wax légui ouais sallam kon loolu motax faut pas gaay kon nak loolu ci kaw loolu moy tax ñi nga xamné ñoy famille surtout dom yi ak ñooñu bu seen wajur génné adina buñ fi nek nan imawul bu bax bi kay ou medina gi mu nek pardon allo mom mu ne biñu ko waxé lool yaronata sallam biñu ko waxé lool moy mom dana biñu ko fayé rek la ko ne mu ngi doora c'est de lol motax mané kon ñi mu bayyi dom ye ñi ko wara doon waru ñu fay nek naan suñu kër yu bax yi fi gëreum kër gi mom faté bor yi boudé dañu ñëw amul bénn alal bo xamné man nañ ko jaay ngir fay bor yi mu dess kër gi waaw dañuy jaay kër gi fay bor yi way ndax mo ëpp solo seen yeen ki yëfi adina am bi yaq al akhiram waaw dëgg la yeen ngeen di sét seen intérêt personnel ta ko dëgg way c'est ça toujours vérifier way voilà kon xamna kon yëna mi do lolu ñu ngi woon ci man gi moy ko xamné dafa am dafa lepp est ce man ami bor koku kon fofu lañu yem tay inshallah bu benen yone ñu agale wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.